Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis aujourd'hui avec Monsieur André Gérin, qui est député du Rhône. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Eh bien, André Jorin, député de Vénissieux-Saint-Fons, Fezin, Corbas-Solèze, depuis 1993. Et vous êtes député donc PCF. Député PCF, bien sûr. Donc, lors de votre conférence de presse que vous avez donnée lundi, vous avez exprimé votre ras-le-bol en tant que membre du PCF face à un parti communiste et à une gauche qui, notamment sur les questions de l'immigration, se font de plus en plus complices du grand patronat, notamment sur la question des clandestins ou de l'immigration choisie. Est-ce que, comme Georges Marchais, il y a maintenant 30 ans, qui déclarait qu'il faut arrêter l'immigration officielle et clandestine, est-ce que vous êtes en train de vous ériger en tant que défenseur de la classe ouvrière française contre la classe mondiale cosmopolite? Je trouve que d'ailleurs, la position de Marchais, je crois que ça remonte à 81, 81, tout à fait. De limiter y compris l'immigration régulière, me paraît aujourd'hui une réponse de bon sens, dans la mesure où on se retrouve en particulier dans des villes populaires, où, pour prendre simplement les enfants de l'immigration, les Français, enfants de l'immigration, se retrouvent dans certains quartiers à 30, 40, 50% de chômage. Donc faut quand même arrêter de ce discours l'immigration est une chance pour la France, qui est un discours tout à fait pervers depuis une trentaine d'années. Et pour le dire autrement, comme si pour l'immigration elle-même, c'était de venir en France, ça serait une chance pour eux. Je trouve que même cette question-là, elle est tout à fait importante. Ce qui vient de se passer depuis la révolution du jasmin montre à quel point il faut renverser cette question. Ça veut dire que la France, elle va continuer à avoir une immigration économique. La France va faire le tri sélectif de Nicolas Sarkozy, qui veut piller les élites des pays en voie de développement. Moi, je pense qu'il faut absolument aborder cette question-là, parce que, au fond, les Français se posent des questions, mais y compris les immigrés eux-mêmes qui sont ici et qui ont le sentiment d'être abandonnés. Justement, en tant qu'ancien maire de Vénissieux et en tant que député sur le terrain, vous êtes confronté au quotidien au ravage de cette immigration incontrôlée qui dure depuis plus de 30 ans. Pourquoi ne pas avoir tapé du poing sur la table tout simplement plus tôt et pourquoi avoir attendu que, si je puis dire, le ver soit déjà dans le fruit pour réagir? Oh, vous savez, je vais être honnête avec vous. Ma prise de conscience, je la remonte à 1995, où le Front National a fait 29% dans la commune. Et quand j'ai fait une étude de qualitative pour comprendre pourquoi des électeurs communistes votaient Front National depuis, donc oui, mon chemin de prise de conscience, il s'est fait depuis ce moment-là, aussi bien sur la sécurité, aussi bien sur la question de la place de l'islam, aussi bien sur la question de l'intégrisme, et aujourd'hui sur la question de l'immigration. Et c'est vrai que je peux d'autant plus le dire comme ça aujourd'hui, que dernièrement, il y a eu tout le discours du patronat, en particulier de Parisot, voire de Lagarde, qui nous explique de manière complètement généreuse et sympathique que cette France, elle a besoin de cette diversité, etc. Donc on sait les objectifs du patronat. J'entends ce même discours depuis quelques mois au niveau européen. On ne peut plus, si on veut développer notre économie, on a besoin de l'immigration, comme s'il y avait une fatalité en France et en Europe à la baisse démographique. Par contre, oui, il faut repenser de manière volontariste une politique de natalité, des moyens sociaux énormes et fantastiques pour les familles, pour les enfants, etc. Donc il faut s'occuper des quartiers populaires qui sont abandonnés, et surtout pour moi politiquement, et pour la gauche en particulier, de faire en sorte que enfin, contrairement à ce que dit le Parti Socialiste aujourd'hui, enfin occupons-nous des classes populaires, et je pense pour moi c'est une place essentielle pour le Parti Communiste. Justement, qu'est-ce que vous préconisez en proposition pour aujourd'hui, en urgence, éviter demain des conflits communautaires, religieux ou ethniques qui menacent quand même dans toute l'Europe et qui ne sont souvent pas, malheureusement peut-être, le fait des Européens de souche. Oui, mais le problème, peut-être qu'il faut entendre l'appel au secours du peuple. Parce que le peuple, on a tendance à le mépriser parce qu'il aurait, un discours populiste, etc. Je trouve que ça serait bien qu'on écoute un peu plus le peuple et qu'on ait une politique qui soit davantage en direction de ces populations, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient immigrées. Et peut-être que dans les quartiers populaires, il faudrait peut-être donner un peu plus de pouvoir et de contre-pouvoir aux habitants, qu'on les traite pas comme des citoyens de seconde zone. Donc pour moi, c'est très très important. Et puis il faut tendre la main à la majorité des Français de confession musulmane pour la question d'un islam spirituel, et puis mener un combat contre cette minorité de gens qui instrumentalisent le religieux pour des objectifs politiques. Et puis, par exemple, concrètement, bien évidemment, faut parler de l'emploi, faut parler de la réindustrialisation de la France, et pour moi, mener une guerre impitoyable contre les trafiquants de drogue et les mafias, quoi. Justement, lors de nombreuses interventions de membres du PCF, mais aussi de l'ensemble de la gauche, il revient souvent, y compris lors de votre dernière conférence de presse d'ailleurs, une idée motrice qui est celle de faire barrage au Front National. Est-ce que c'est pas justement stigmatiser en permanence cette classe ouvrière française qui vote majoritairement pour ce parti que de vouloir systématiquement s'en prendre à un parti qui, depuis plus de 30 ans, tient le discours que vous avez tenu lundi? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il se trouve au sein de ces partis qui sont classés par l'intelligentsia française à droite ou très à droite, de nombreux militants associatifs et syndicaux qui sont sincères? Bien sûr qu'ils sont sincères. Le problème, c'est qu'on a fait l'autruche pendant 30 ans. C'est tout. Et moi, je pense que la gauche, et en particulier le PS, ne combat pas le Front National. Je pense même qu'ils s'en servent. Or, combattre le Front National, je vais reprendre une formule de Laurent Fabius il y a 20 ans maintenant. Laurent Fabius, il avait dit, à l'époque, le Front National parle de vraies questions, mais il apporte de mauvaises réponses. Eh bien, moi, je suis pour qu'on sorte des sujets tabous, qu'on ne laisse aucun sujet, aucune question, même si elles sont difficiles, au Front National, et que la gauche, elle ait le courage, l'audace d'aborder ces sujets avec des réponses progressistes, avec des réponses qui permettent aux gens de dire « Enfin, on s'occupe de nous, enfin, on nous entend, enfin, on ne nous traite pas de racistes, enfin, on nous écoute parce qu'on en a marre de cette société d'être enfoncée, d'être abandonnée par les politiques. » Justement, aujourd'hui, quelles sont les solutions qui vous déplaisent dans les solutions qui sont proposées par le Front National ou par d'autres associations ou groupes classés? D'abord, le Front National, il est toujours pour le capitalisme. Donc déjà, sur le fond du problème, c'est la rupture avec le capitalisme. Déjà. Donc c'est une autre société. Ça veut dire qu'il faut des vrais pouvoirs, des vrais redonner sa vraie légitimité au peuple de France. Donc ça, c'est fondamental. Or, on viole la souveraineté du peuple de France. On l'a fait quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. On se débrouille, le peuple vote dit non, mais on se débrouille quand même de faire contre le peuple. Donc, pour moi, c'est très très important. Ça veut dire qu'il y a un problème à gauche, en tous les cas pour ce qui me concerne, y compris pour remettre en cause l'élection du président de la République au suffrage universel. Peut-être imaginer une généralisation du non-cumul des mandats, peut-être imaginer une politique de révocation des élus, mais peut-être que ça, si on veut le faire, il faut faire un référendum, parce que les gens, ils en ont marre de ces élites qui font des grands discours, mais qui s'occupent pas du peuple. Et puis il faut donner des pouvoirs et des contre-pouvoirs aux habitants. Moi, je suis vraiment pour que on revienne à une légitimité du peuple, une reconnaissance politique de la place du peuple au cœur des problèmes, alors qu'on est complètement à l'opposé dans des réponses complètement technocratiques au niveau national et au niveau européen. Justement, vous n'êtes pas hostile, du coup, à l'instauration en France d'une démocratie directe, comme le réclament des partis comme le Bloc Identitaire, par exemple? Il faut la démocratie directe sur des sujets. Il faut corriger la fracture, le fossé qui existe aujourd'hui entre les élites et le peuple. Regardez la réforme collectivités locales, c'est une réforme catastrophique. On va encore mettre en place des systèmes technocratiques, éloigner des gens, et les élus du peuple ont moins de pouvoir que les technocrates qui dirigent, exemple, ceux qui dirigent, par exemple, la communauté urbaine de Lyon. Donc ça peut pas marcher, une société comme ça. Et justement, pour en revenir à la question de l'immigration, certaines associations et partis politiques, là, je vous parlais tout à l'heure du bloc identitaire ou même des jeunes identitaires, ont apposé sur tous les murs de France des slogans « l'immigration n'enrichit que les patrons ». Le PCF a toujours combattu ces partis, les voyant bien souvent comme ce qu'ils appelaient la bête immonde. Pour quelles raisons et en quoi la révolte d'un jeune de 20 ans contre des phénomènes qu'il voit de plus en plus pesants dans son quotidien, comme le chômage, l'insécurité, les tensions religieuses, ethniques, en quoi cette révolte serait-elle illégitime aujourd'hui ? Et pourquoi elle serait illégitime ? Parce que le Parti communiste français, dont vous faites partie, a toujours combattu ces organisations qu'il classait à l'extrême droite. Oui, mais il y a deux choses différentes. Entre combattre des organisations qui ont des objectifs très, très précis et nier les problèmes, quand on fait semblant de découvrir qu'il y a des prières dans les rues, ce qu'on a vu apparaître il y a quelque temps pour ce qui concerne Paris, là c'est la part de l'hypocrisie, y compris des forces politiques et notamment de la gauche. C'est pas parce que des gens nous plaisent pas et qui parlent de vrais problèmes que ça nous interdit d'en parler. Et puis de toute façon, à force de dire qu'on a raison tout seul, je pense que quand on a 80% de gens qui ne votent plus dans un quartier et qu'on a le niveau du Front National, franchement, j'ai envie de dire au PC et à la gauche, le problème, c'est pas que les gens s'intéressent pas à la politique, c'est que les partis politiques ne s'intéressent plus aux gens et notamment aux classes populaires. Alors le samedi 25 juin, Le Monde se fait le relais d'une invitation qui vous est proposée par les Lyonnais de Rebain, un groupe identitaire sur Lyon, dont le local La Traboule se situe dans le Vieux-Lyon. Ils veulent vous faire devenir ambassadeur de leur association et ils vous invitent donc le samedi 25 juin à débattre. Est-ce que vous serez présent à leur local pour débattre et pour vous voir? Ah non, je ne serai pas présent. Vous ne pourrez pas être présent? Non, je ne serai pas présent. D'accord, c'est un souhait. J'ai bien compris. D'accord. Ils font ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas du tout. Écoutez, Monsieur Girin, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Au revoir.